55 minutes. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les titres. Désormais, tout marché public du ministère de la Sécurité publique doit se conformer au code des marchés publics, a déclaré le ministre Ndira Kubuchaso mercredi lors d'une rencontre avec les officiers nommés par décret. À Rumonge, précisément au lycée communal Nyamibu, l'on vous parlera d'un enseignant de cet établissement scolaire qui est en cava depuis bientôt une semaine. Il serait l'auteur d'une grossesse de l'une de ses élèves selon les parents d'élèves. À Rutana, c'est le manque d'eau potable qui s'observe dans la commune Musongati. Des habitants de cette commune tirent la sonnette d'alarme. Voilà pour l'essentiel et bienvenue pour les détails. Alphonse Kubimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. La radio de l'avenir. Je vous le disais tantôt, tout marché public du ministère de la Sécurité publique doit se baser sur le code des marchés publics. Seul le soumissionnaire gagnant a le droit de livrer les produits. Ceci a été annoncé ce mercredi par le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions lors d'une rencontre avec les officiers de la police récemment nommés par décret. Gervais Ndira Kubucha a en outre demandé à ce corps de servir le peuple sans condition. Suivez-le, il est traduit en français par Médard Nyonghur. Le service tout j'ai joué service public. Tu y connais la vie Nous sommes en charge du service public, qu'on le fasse sans condition. Ceci part de nous vers d'autres de ce ministère. Tout ce qui est en rapport avec la corruption, avec des conditionnalités, qu'on bannisse ça. Il y a une pancarte sur laquelle est écrit « Une police sans corruption ». Ça existait sur les barrières, mais je ne la vois plus. Qu'on n'entende plus les commentaires faits sur pancarte. Tenez, nous avons fait des efforts durant les deux dernières années, mais fournissons davantage des efforts pour arriver à la vision du numéro 1 burundais où le peuple est servi sans condition. Pour les marchés publics, essayons que tout marché soit octroyé suivant le code irrelatif. Il y a eu beaucoup de dires. Il y a eu l'inter, peut-être parce que l'on entend qu'on attribue selon des affinités. Que le moins disant soit celui-là à qui le marché soit attribué. Il faut qu'il y ait une bonne gestion de ce qui vient de ces marchés à partir des tenues et fournitures. Que je ne vois plus la tenue d'un officier policier porté par les hommes de troupes. En réaction, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, salue cet appel du ministre de l'Intérieur. Gabriel Ruffieri suggère la mise en place d'une commission mobile suivant de près la mise en application de ces mesures. Suivez-le. Je voudrais prendre ce moment juste pour remercier le ministre en charge de la sécurité publique, parce que le message qu'il vient de donner, c'est un message encourageant, surtout que nous savons qu'il y croit très sincèrement. C'est très encourageant parce que dans ces derniers jours, nous recevons beaucoup de doléances par rapport surtout à ceux qui cherchent le carburant au niveau des stations-service. Nous pensons qu'il va à tout prix mettre en application ce message qu'il vient de donner. Certes, il doit y avoir des mesures d'accompagnement parce que, comme vous le savez, les messages sont très importants, mais c'est beaucoup plus important s'il y a des mesures d'accompagnement. Pour nous, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une commission mobile qui va suivre, vérifier si réellement ce message est en train d'être mis en application. Au niveau des marchés publics, il faut des inspections, il faut des enquêtes régulières pour voir si réellement le message du ministre est en train d'être mis en application. Sinon, nous savons que c'est très difficile, mais quand même c'est possible. C'était Gabriel Ofiri, président de l'Olicom. Les personnes vivant avec handicap travaillant dans les services publics ont des difficultés dues au fait qu'il y a manque d'allées qui leur sont réservées. Cela constitue des défis que cette catégorie de fonctionnaires ont soulevés dans un atelier en cours organisé par le ministère de la fonction publique pour lancer le processus d'élaboration de la politique nationale de la santé et de la sécurité en milieu du travail. Le ministre de la fonction publique précise que cette politique va concerner le secteur tant public que privé. Arthur Kababouch. Certains participants à cet atelier trouvent que dans divers services, les bâtiments devraient prendre en considération les personnes vivant avec handicap. Il s'agit d'un sujet qui est tombé dans l'oubli malgré son importance. Moi, quand je me trouve en face des escaliers, j'ai la trouille du fait que dans beaucoup d'endroits, on ignore qu'il y en a ceux qui ont des problèmes. Comme à l'INSS, à l'ONPR et à l'INSP, ils oublient qu'il y a des gens qui y vont alors qu'ils sont à béquilles et ou qu'il y en a qui sont handicapés. Quant à cette personne, pour protéger les gens au travail, il faudrait évaluer l'état de santé de la personne afin de savoir le lieu de travail qui n'affecte pas sa santé. Avant de recruter une personne et pour éviter que l'État supporte le fardeau qu'elle n'est pas à l'origine, il faut une évaluation de la personne avant de l'affecter dans un service compatible à sa santé. À tout cela, le ministre en charge de l'Emploi, Dr Thaddée Ndikoumana, a indiqué qu'il sera élaboré une politique nationale de la santé et de sécurité au travail. Tout le monde a parlé de marques, de normes, de stratégies. Normalement, c'est ce que nous visons. Aujourd'hui, nous voulons élaborer une politique nationale en santé, sécurité, milieu du travail. Dans cette politique, on va élaborer des stratégies. Communication, prévention, protection. Donc, c'est beaucoup de stratégies, c'est beaucoup d'axes stratégiques qui seront développés par sectoriel. Mais nous comptons sur tous les secteurs, que ce soit public, privé, informé, structuré, mais aussi nos partenaires sociaux. Au sein de ce ministère, ils font savoir que ce processus va s'étendre sur une longue durée, mais qu'ils vont déjà commencer par la sensibilisation des employeurs. Depuis Kitega, Arthur Kababouchi, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03, poursuivons cette édition. Le prêt bourse est insuffisant octroyé aux étudiants des universités publiques et qui vient en retard. Le manque des enseignants et des matériels didactiques, le problème d'accès à l'Internet et le manque de terrain de stage sont des défis qui font face les étudiants des dites universités. Propos de Jonas Sibisavimana, représentant des étudiants, lors du lancement officiel de l'année académique 2020-2022 ce jeudi. Il demande à l'État de revoir à la hausse le prêt bourse, de libéraliser l'accès à l'Internet et de suivre de près la vie des étudiants. Manque d'eau potable en commune Moussongati où les populations de différentes collines boivent encore de l'eau des rivières et d'autres trouvent l'eau propre sur de longues distances. Elles demandent l'approvisionnement en eau potable. La régie communale de l'eau tranquillise que la commune en collaboration avec Croix-Rouge et le PNUD vont bientôt construire des sources aménagées et réparer celles non fonctionnelles Veniste Niramag. La commune Moussongati dispose de 143 sources aménagées, dont 206 sources non fonctionnelles. Cela est à l'origine de la pénurie d'eau potable dans différentes localités de la dite commune. Les collines les plus touchées sont Buhinga, Magana et Giheta. Sur la colline Buhinga, sous colline Jenda, les populations effectuent de longues distances à la recherche de l'eau potable. La plupart de ces populations trouvent ce trajet impraticable et optent à puiser de l'eau dans le ruisseau Gihari. Le même scénario se remarque sur la sous-colline Gakingiro, où il y en a encore qui boivent les eaux du ruisseau Gakingiro. Les collines Maganahe, Giheta et Runyoni, elles aussi ne sont pas épargnées, car il y en a déjà de ces collines qui puisent les eaux de la rivière Nyamabuye et d'autres puisent les eaux des ruisseaux des alentours. Ces populations demandent l'adduction en eau potable pour les collines. La régie communale des eaux tranquillise que le problème lié au manque d'eau et à leur préoccupation. Selon la régie communale des eaux, le tronçon Rugunga Kalera de 8 km qui alimente en eau potable environ 200 ménages, un dispensaire et 3 écoles est déjà construit. À cela s'ajoutent 27 sources aménagées que la Croix-Rouge est en train de construire sur les différentes collines de la commune. Les tronçons Kagunga Rusunu et Yovega Takazi seront aussi bientôt réhabilités. La régie communale des eaux donne aussi espoir que le tronçon Kangozi Musongati sera bientôt réhabilité par PNUD. Depuis Rutana, Veniste Ntirampaga, Radio Isanganiro. Merci Veniste Ntirampaga. De Rutana, rendons-nous à Rumonge où un enseignant du lycée communal Nyamibu de la commune et province Rumonge est en cavale depuis plus d'une semaine. Rémi Ndeikenguru, qui est directeur de l'enseignement en commune Rumonge, dit être au courant de cette situation sans plus de détails. Cependant, les informations obtenues de certains des parents d'élèves et des enseignants à cette école indiquent que le dit enseignant a pris le large lorsqu'il était appelé à la direction de son école pour s'expliquer sur un cas de grossesse de l'une de ses élèves, une grossesse dont il serait l'auteur, n'est-ce pas, Jean-Pierre Misago? Depuis qu'il est interpellé à la direction du lycée communal de Nyamibu le 19 avril 2022 à la troisième heure, cet enseignant qui dispensait son cours dans la classe de première langue à cette école s'est volatilisé dans la nature après sa sortie de la classe. Le préfet de discipline à cette école qui avait été mandaté pour l'appeler dit avoir transmis le message à cet enseignant. Mais au lieu de se présenter à la direction, cet enseignant est sorti de la classe et est passé à travers la clôture en branchant de palmiers non encore achevés et s'est sauvé à toutes jambes. Selon certaines sources, il aurait soupçonné son arrestation à la vue des parents de l'élève de cette école qu'il aurait engrossé. D'autres sources indiquent que l'un de ses collègues l'aurait croisé quand il répondait à l'appel de la direction et l'aurait averti qu'il serait arrêté une fois qu'il se présentait à la direction, puisque selon toujours ses sources, une élève à cette école enceinte, accompagnée de ses parents, avait saisi le directeur de l'école chez lui la veille pour dénoncer cet enseignant et son rendez-vous à l'école a été fixé. Rémi Ndeikenguru, qui est directeur de l'enseignement commune Rumonge, dit avoir déjà reçu une lettre officielle sur ce cas sans plus de commentaires. Au moment où l'élève est déjà renvoyé de l'école, certains des parents d'élèves et certains défenseurs des droits de l'homme contactés à Rumonge voudraient qu'en plus des sanctions administratives, des poursuites judiciaires devraient être enclenchées contre cet enseignant. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. La vie est devenue chère à mairie de Bujumbura. Des stadins qui le disent se plaignent de la persistance du manque du carburant. Ceux qui sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent que souvent ils se retrouvent obligés de payer le triple des frais habituels de transport. Ils demandent à l'État de briser le silence. Ornella Mucho. Différentes catégories de la population convergent sur la difficulté de trouver le moyen de déplacement suite au manque de carburant. L'enseignante âgée de 36 ans et l'élève âgé de 17 ans disent qu'aujourd'hui, le travail et les études sont perturbés suite à cette problématique. Je suis enseignante. Avant, j'arrivais au boulot à 6h45, mais maintenant, c'est à 8h. Vous comprenez que je n'ai plus le temps de préparer les leçons. Autre chose, on se réveille très tôt pour quitter la maison à 5h30 du matin et on perd le temps à s'aligner, mais on finit toujours en retard. Nous sommes toujours fatigués physiquement et mentalement. Le travail n'est plus bien organisé. Nous sommes toujours stressés en pensant si nos enfants qui sont allés à l'école vont avoir le bus pour retourner à la maison. Nous arrivons à l'école dans des conditions très difficiles. On peut marcher à pied suite au manque de moyens de transport et on arrive tardivement à l'école. À notre école, c'était prévu d'arriver à 6h30 du matin pour une séance réservée à la révision. Mais suite à ce problème, la direction a opté qu'on puisse arriver entre 7h10 à 7h30 minutes, surtout pour ceux qui habitent loin du centre-ville. Cette enseignante ainsi que le jeune commerçant âgé de 30 ans indiquent que pour rentrer, ils prennent 2 heures ou 3 heures de plus à côté des dépenses enregistrées. Nous arrivons au boulot à 8h30 pour rentrer à 13h30 et nous revenons faire la queue encore une fois pour arriver à la maison à 20h ou 21h. Franchement, comment est-ce que nous allons continuer à vivre dans ces conditions-là? Avant, on pouvait cotiser 1000 francs bout à 4 pour prendre le taxi lorsqu'il n'y avait pas de bus. Mais maintenant, nous sommes contraints de payer 5000 francs bout chacun. Rentrer, c'est devenu une casse-tête aujourd'hui. Par chance, tu peux trouver le bus pour aller en ville, ce qui n'est pas toujours le cas pour rentrer. Tu peux manquer le bus et trouver difficilement le taxi, lequel nous sommes exigés à payer triplement ou plus. Par exemple, avant, le trajet de ville à Kanyosha, j'ai payé 5 000 francs bout, mais aujourd'hui, c'est devenu 15 000. Ce jeune commerçant regrette qu'ils enregistrent des pertes énormes puisque les clients viennent à compte-gouttes, pas peur de manquer, comment rentrer. Tous demandent à l'État de briser le silence puisque cette question persiste depuis quelques mois. Et sur ce, la radio Isanganiro a cherché plus de 2 fois le ministre en charge de l'énergie et mines pour s'exprimer à ce sujet, mais en vain. Merci Ornella Mucho. La flambée des prix des produits de première nécessité en province Cibitoke s'explique par la sécheresse qui s'est observée au cours de la saison culturelle A. Le gouverneur de cette province, qui le dit, trouve que le manque du carburant accentue la situation. Le gouverneur de la province Cibitoke, Karim Ibizoza, invite les commerçants à éviter la spéculation et aux agriculteurs, il leur demande de se préparer pour la prochaine saison culturelle. Suivez-le. Dans la saison A, il n'y a pas eu de production à Bumanza. Alors, la production qu'on a eue dans la province de Cibitoke, surtout dans Rugombo et Buganda, toute la population qui venait chercher le riz à Bumanza se rendait directement dans notre province. Alors, avec la quantité qui n'a pas changé, alors que les acheteurs sont nombreux, et cela a fait qu'il y a eu la montée de prix du riz. Et même aussi pour les haricots, les deux saisons, il y a eu beaucoup de sécheresse, il n'y a pas eu de production, donc la problème de Cibitoke sera aussi a fait que la montée du prix des haricots a aussi augmenté, parce que ce qui en a un peu a besoin au moins récupérer. Et encore une fois, concernant les maïs, pour les deux saisons de la problème de Cibitoke, surtout dans la province de Rugombo et Buganda, il n'y a pas eu de récolte de maïs suite à la sécheresse. Donc, cela aussi montre que ceux qui ont pu avoir un peu de maïs veulent vendre à la hausse pour récupérer ce qu'ils ont utilisé. Alors, suite à la pénurie de carburant, ça fait que la montée du prix des denrées augmente. Et pour boucler cette édition, les tueries, le traumatisme et les grossesses non désirées sont certaines des conséquences liées aux violences basées sur le genre faites aux femmes, selon les différents intervenants dans un dialogue organisé par l'association American Friends Service Committee dans le but de la promotion de la paix et l'éradication de ce genre de violences. Ce mercredi, dans la province Makamba, l'impunité, le non-respect des lois et la peur de pointer du doigt sur les auteurs de ces crimes constituent un obstacle pour leur éradication. Et voilà, chers auditeurs, à 13h14, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kouimana qui était à la manette édition. Le programme continue sur Isanganiro. Gardez l'écoute. Au revoir.